Salut Mickaël, c'est les PZK. Bah, c'était pour te dire qu'on t'écoutait pas tous les matins, mais qu'on t'aime quand même. Oui, exactement, yeah. Mickaël, à la radio. Allez, bisous Mickaël, t'es nul. Bon, on va vérifier, on va appeler à Bovini. Allons-y. Allez, c'est allons parti. Allons à Bovini. Voilà, on appelle à Bovini pour vérifier le sondage ce matin, c'est parti. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce qu'il y a un sondage qui vient de sortir sur la sexualité de groupe. Écoutez, à 6h du matin, c'est quand même un peu tôt. Hein. Pour faire l'amour? Non, non, pas de problème. Écoutez, je porte le téléphone à mon mari parce que moi, je comprends pas tout. Vous parlez tellement vite. Bien sûr, je comprends. Bon. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà. En fait, je vous appelle pour savoir si, comme un cinquième des hommes et un tiers des femmes, vous seriez prêt à faire l'amour à plusieurs. Vous en êtes d'où? De Bruxelles, monsieur. À 6h du matin. Voilà, monsieur. Écoutez, couchez-vous et laissez-moi tranquille. Oui, mais ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que vous racontez? Bah, je veux savoir si vous seriez prêt à avoir un rapport sexuel à plusieurs. Moi, je veux savoir si vous ne manquez pas une vis à vous. Ben, je comprends pas. Allez, au revoir. Ben, attendez, monsieur, vous avez pas répondu. Bah, ben, il ne répondra pas. Hein. Ah, probablement pas. Il ne répondra pas, ouais. Et c'est décevant. Bah, ben, je sais, oui, parce que pourtant j'ai toutes mes vis. Bah, ben, enfin, oui. Non, mais c'est. Moi, je suis pas sûr. C'est décevant, qu'est-ce ben que oui, je te dis. C'est triste. Bon, bah, ben, tant pis, c'est pas grave, on n'en saura pas plus, c'est pas grave. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. C'est la journée internationale de Pierre sur Fun Radio. Journée internationale, vous le savez, bon, c'est la fin du mois de juin presque. Donc forcément la fin des examens. Et donc forcément il en reste un petit dernier pour Pierre là. Et il a quelques petits problèmes. Allô. Bonjour, je suis en période d'examen et du coup je suis constipé. Est-ce que vous auriez quelque chose? Mais écoutez, vous n'avez qu'à passer à la pharmacie, hein. Bah je vais passer, mais est-ce que au moins vous avez quelque chose pour que je fasse caca? Mais oui, monsieur. Les examens pourtant ça me fait chier, mais je suis obligé de faire caca. Bon écoutez, maintenant si vous avez besoin de quelque chose, vous passez à la pharmacie. Moi j'ai pas de temps à perdre. Bon ouais, mais moi j'ai envie de faire caca justement. Allô? Oui, ben ça me stresse le colon. Monsieur, mais vous allez pas m'emmerder tout l'après-midi quand même. Mais ça me stresse le colon. Passez à la pharmacie, point final. Oui, mais j'ai envie de faire caca. Il faut que je fasse caca. Allô? Oui, je vais pas rater mes examens parce que je vais pas pouvoir faire caca. Bon, monsieur, vous passez à la pharmacie. Si vous téléphonez encore une fois, je ne décroche plus. Bon, et j'espère au moins que vous aurez fait chier, hein. Ah oui, je pense que de ce côté-là, on est plus tranquille. Ouais, je pense que ça, c'est bon, ouais. 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Nous avons David avec nous maintenant. Bonjour, David. Bonjour. Comment ça va, David? Ouais, ça va très bien. Bon, bah, bienvenue à toi, David. T'as 33 ans, toi. Tu fais quoi dans la vie? Dans le bâtiment. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute, David, on va jouer maintenant. Où serez-vous plus intelligent qu'une Miss? Peut-être pour toi, un iPod ou alors un maillot de foot. Qu'est-ce que tu préfères? Le maillot de foot. Le maillot de foot de quelle équipe? Bah, je sais pas. L'Espagne. Oh, boum. Mais tu as bien raison. Bon, le moment que c'est pas le Portugal, t'as bien raison. T'inquiète, je te filerai celui du Portugal, y a pas de problème. Bon, David, alors on va y aller maintenant. Je te propose de te poser 5 questions. Tu fais 5 sur 5, tu repars avec le maillot en l'occurrence. 4 sur 5, ouais. Tu repars avec des places de ciné. En dessous de ça, tu repars que dalle. D'accord? Ok, bah, allez, on y va. Merci. Qui vient de voter la scission de BHV? Le gouvernement, non. Non, c'est pas non, ça. Non, non, non, malheureusement, tu vois pas? Ils appellent Ayrton. Ayrton? Ouais. Non, je vois pas, tu vois pas? Ouais. C'est le Sénat. Ne t'as pas écouté, mes enfants. Oh, c'est le Sénat. Personne ne t'écoute. Personne ne m'écoute. Bon, vrai ou faux, BHV sont les initiales de Bart de Weaver? Faux, effectivement, bonne réponse. Pour quelle activité très lucrative Dodo la Saumure est-il connu, surtout dans l'entourage de DSK? Pour certains plaisirs. Ouais. Tu peux le dire franchement, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, prostitution, exactement. Ouais. Comment appelle-t-on un idiot à Liège, l'homme n'étant pas accepté? Ouais, alors ça devient difficile. Tu vois pas? Non, c'était. C'était une grosse bièce. Bon, une bièce, oui, exactement. Ouais. Et enfin, combien y a-t-il de provinces en Belgique? 10. Bonne réponse. Eh ben, ça nous fait 1, 2, 3. Salut. 3 malheureusement. Pas assez pour gagner. C'est dommage, mais tu redonnes ta chance quand tu veux, David. C'est gentil. Merci. Allez, bonne journée. Bonne journée. Salut, David. Ciao à toi. Tous les matins, 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Maintenant sur Fun Radio. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien avec Aline, la plus perdante de toutes. Yes. Et oui, puisque visiblement Dave a choisi de jouer avec Aline. Mais oui, plus personne ne veut jouer avec moi. Bah oui, c'est ça. Peut-être mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mal au cœur. C'est qu'il n'y a aucun défi. On sait qu'elle va perdre. Tu vois, alors que bon, jouer avec quelqu'un d'autre, on se dit allez, il y aura peut-être quelqu'un. Ils vont enfin peut-être prendre quelqu'un de bon, tu vois. Comment ils vont expliquer mon jeu, quoi. On verra. Voilà, on te prend et puis on te reprend. Bon. Dave. Oui. Comment ça va? Ça va. Rassure-moi, tu es pas le Hollandais avec la tête blonde. Non, ça va. Non mais je préférais poser la question. On ne sait jamais. Bon, t'as 35 ans. T'appelles où? Là, je suis à Grasse-Ologne pour le moment. Grasse-Ologne, d'accord, ok. Bon, Dave, on va jouer maintenant. Une minute, tu as choisi de jouer face à Aline, notre ex-stagiaire. Hein, puisque voilà, elle faisait stagiaire. Oui. Et puis après, elle a été faire ses examens qu'elle a foiré de toute façon. Mais alors, pas du et puis juste après, elle est revenue parce qu'elle s'ennuie chez elle. Bon, bah, alors. Elle a pas d'amis, elle a pas de ça, vie. Son problème. Bah, c'est surtout ça. Se lever à 5 heures, quoi, de vie, quoi. Dave, alors attention, le concept est simple. Une minute pour discuter avec Aline le plus naturellement possible. Et donc, il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire la, L-A. D'accord? Okay. Allez, c'est parti, une minute. Pas bonne chance, hein, Dave. Bonne chance, Dave, une minute pour gagner les iPods, enfin l'iPod ou les maillots de foot, c'est parti. Dave? Ouais. Oh là là là. C'est pas possible. C'est énorme. Oh là là. Elle a tellement une petite voix innocente que ça marche d'office, quoi. Mais enfin, Dave. Alors le blanc. Deux fois d'abord. Le blanc, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a, Dave? C'est moi? Non, mais tu disais quoi? C'est fini le jeu, t'as perdu, Dave. Ouais, c'est trop ça. Ah oui? Ouais, mais j'ai pas dit oui, hein, j'ai dit ouais. Bah, c'est pas vrai, Dave, ne le fais pas l'envers. Quel escroc celui-là alors, quand même. Pire que moi. Bon, bah, Dave, malheureusement, tu retournes chez ta mère les mains vides, Dave. Hein. Voilà. Allez, la bonne journée, Dave. Hein. Salut. Okay, salut, Dave. Ciao à toi, bye bye. Bon, bah voilà, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez. Comme quoi, Aline a beaucoup de chance. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. Fun Radio.